On est là. C'est là en fait. Sous la carrière. Les exertiers, 300 mètres. Ah. Le revers sur les traces de la crémaillère, 3h35. Mmh. 3h35. Mais c'est chaud maintenant.